fake sur trottoir, j'urine sur boulevard, je fais un feu dans le square, je crève les pneus des voitures noires. Je m'allonge dans le parc, j'écoute du Daniel Dark, je tire sur les lampadaires, ça nuit, y aura des étoiles dans l'air. Je comprends des arbres dans les immeubles, qu'on brûle sur la place tous les meubles, je veux sur nos bouches des sourires héroïques, qu'on redevienne des hommes préhistoriques. Génocide.com. Après tout, je suis aussi un homme. Je participe à la mine générale. Je suis pas contre une exploration. Je connais peu des voitures. Je suis pas dans la discrimination couleur. S'il faut faire un effort pour un monde meilleur, je viens m'y mettre tout à l'heure. Je pars tous avec des étoiles de mer. Dans l'urne, un vote pour Lucifer. Je veux sur nos bouches des sourires héroïques. Qu'on redevienne des hommes préhistoriques. Je chasse les pigeons de la place, de la viande pour ma besace. Je donne des coups de pied dans les murs, je veux plus de barrage vers la nature. Un peu l'air sur la dame de fer, je parie que Paris redeviendra vert quand explosera la bombe nucléaire. Où est le bon vieux temps d'hiver? Je me jette tout nu dans la Seine. Ah non, tu vas pas me faire une scène. Je veux sur nos bouches des sourires héroïques, qu'on redevienne des hommes historiques. J'ai arrêté l'alcool et la fumette, avec de la volonté, soyons honnêtes. On pourrait laisser, c'est important, une planète où on peut vivre dedans. Je crève les pneus des voitures bleues, la nuit est grise, je fais ce que je peux. Je veux sur nos bouches des sourires héroïques, qu'on redevienne des hommes préhistoriques.